L'esclavage, ça commence dans le psychologique. Oui. Déjà que les gens acceptent ça, puis ils vont même le rationaliser pour se convaincre que c'est normal, ça, c'est rendu loin. Et il est là le vrai pouvoir. Je parle de pouvoir temporel vulgaire. Le vrai pouvoir temporel vulgaire, c'est ça. C'est la capacité, parce qu'on est, comme je disais plus tôt, on est des animaux sociaux. Puis c'est lié à des lignées. Pourquoi? Parce que dans une meute de loups, c'est celui qui a l'ADN le plus fort qu'il faut qu'il devienne le mâle alpha puis la femelle alpha. Parce que pour la survie de l'espèce puis du groupe, c'est dans l'intérêt de tout le monde que ce soit ceux qui ont l'ADN le plus fort qui se reproduisent. Ben, l'être humain, il est comme ça. Mais c'est inconscient en grande partie. Mais les lignées, le problème, c'est que du monde qui se reproduisent entre eux autres ou qui ont des mœurs dissolues, l'ADN se dégrade. Mais il reste la mémoire de l'influence du nom. Donc, là, il y embarque la subjectivité psychologique de la mémoire collective, ce qui fait que finalement, on est gouverné par des faibles qui ne Ouais, c'est devraient le pas se reproduire. paradoxe avec les lignées royales, entre autres, que la pureté génétique confrontait des mariages consanguins, etc. Là, ça crée des problématiques, là, mais ouais. Ben, tu sais, je veux dire, c'est des médiocres qui nous gouvernent de nos jours d'une façon quasi, c'est automatique quasiment tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a affaire. Le virtuel de la mémoire collective a plus d'importance que le réel. Donc, le nom de quelqu'un, ça d'où il vient, puis ce qu'il y a à la banque, c'est plus important que ses capacités réelles. C'est pour ça qu'on se ramasse avec du monde comme Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, même Pierre-Carl Péladeau, qui est aussi un héritier. C'est-à-dire que ce que Machiavel y appelait des héritiers, dans le sens, ces gens-là n'ont pas le choix d'être jusqu'à un certain point moins compétents. Je veux dire, c'est pour ça Machiavel, il dit, celui qui fait sa propre fortune la conserve facilement, celui qui en hérite la perd facilement. Puis, on est gouverné par des gens qui sont des losers. Parce que c'est bien de valeur, mais expérimentalement parlant, pour qu'il y ait une évolution, il faut que tu aies de la misère.